Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le dernier déas, nous avons pris que les gens de la sunna sont victimes des insultes, des offenses, des mensonges proférés contre eux par leurs ennemis. Également, un qu'on avait cité au début du livre, qu'on répète aujourd'hui, dans ces sobriquets injurieux et mensongers, le fait de taxer les salafis, et principalement ceux qui étaient au Yémen, et ceux qui suivent leur da'wah, de Hajjurit. De les attribuer à Shariah al-Hajjuri, en disant que ce sont des Hajjurites. Et ce serait totalement faux, cette secte n'existe pas. Et ces gens-là qui sont taxés de Hajjurit, ou de Hajjawira, comme ils veulent le dire en arabe, qui est un projet qui n'existe pas d'ailleurs également, d'accord, cela est qu'en vue de les salir et de faire fuir les gens de la vérité qu'ils possèdent avec eux. Cette secte n'existe pas, et ces gens-là sont des salafis comme les autres. D'accord. Cependant, ils ont fait face à une fitna qui font que leurs ennemis n'ont trouvé d'autres pour les salir que de mentir contre eux et de faire fuir les gens d'eux à la fois qu'ils n'écoutent pas ce qu'ils avaient à dire. Non. Et beaucoup de gens se sont fait avoir par cela, malheureusement. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Thumma qala أهل السنة دعاة أمن وأمان ويحذرون من التفجيرات ومن التلغيمات. Donc les gens de la sunna sont des gens qui appellent à la paix et la sécurité. Quand on dit la paix légiférée, bien évidemment. Et mettent en garde contre le fait, contre les actes terroristes, comme le fait de faire des explosions, tout autre acte qui amènerait à porter atteinte, qui amènerait à porter atteinte aux gens dont la vie, dont le sang est préservé. Qala wa da'wat wa al-sunnati tuhadhiru an-nas min tafjirat wa talghimat wa al-irtiyalat wa min za'za'at al-aman fi bilad al-muslimin. Donc les gens de la sunna, cette da'wa met en garde les gens contre justement le fait de commettre des actes terroristes ou de commettre des meurtres et de porter de troubler la sécurité dans les pays d'islam et même dans les pays de mécréants. Cela est une chose qui est générale. Mais on fait encore plus attention à cela en pays d'islam. فَقَدْ وَقَفَ الْسُنَّةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِالثَّبَاتِ أَمَامَ هَؤُلَاء الَّذِينَ يَخِلُّونَ بِالْأَمَنِ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ لِزَغْزَةِ الْاِسْتِقْرَارِ وَفَحَذَّرُوا مِنْهُمْ مِنْ فِكْرَتِهِمْ رَدِيَّةِ. Donc les gens de la sunna ont fait face justement à ces gens-là qui appellent eux à semer le trouble et à faire couler le sang et à semer le désordre, et en tout lieu, mais principalement dans les pays d'islam. Walaqad istatabba al-aman walhamdulillah bisabab da'wat al-sunnati akthara min istiqrarihim min rijal al-aman anfusihim walwaqi' yashhadu bidhalika. Que même la sécurité que l'on trouve dans beaucoup de pays d'islam, celle-ci a été principalement le résultat de la da'wat de la sunna, plus encore que les hommes de sécurité, que la police, que l'armée. Eux, ces gens-là, la police armée, ont fait appliquer la chose. Mais cette paisibilité, cette sécurité, dans les cœurs des gens, d'accord, n'est venue que par cette da'wa principalement. Nous l'avons dit au début du livre, qu'ils ont mis en garde contre les groupes terroristes, contre les groupes de désordre, contre les groupes qui amènent à rendre licite le sang des muslimines, et même le sang des mécréants, qui n'est pas permis de tuer. Et il parle là principalement de ceux qui sont à Sarda, comme les Rafida, les Houthi actuellement, qui eux sont des gens, comme vous le savez aujourd'hui, vous voyez les conflits qu'il y a actuellement au Yémen, sont des gens qui amènent à faire couler le sang injustement, et qui causent des guerres injustes. Et les premiers à avoir mis en garde contre eux sont les gens de la Sunna au Yémen. À l'époque, Chamogouil parlait sur eux, il s'appelait Shebab el-Mu'minin, et par la suite, ils ont pris le fikr des Houthi. À la base, Houthi, c'est une appartenance à une contrée qui s'appelle Houth au Yémen. C'est un village, une région plutôt, du Yémen qui s'appelle Houth. Et les gens se sont attribués à eux, qui sont en réalité des Rafida. Et qui ont pris l'ampleur, comme vous savez aujourd'hui, du fait que les gens ne l'ont pas fait face. Et ces gens-là, eux par contre, sont des employés des Koufars. Des employés de l'Iran. Ils sont derrière eux et amènent à ce que ces gens-là se mettent en place et instaurent leur pouvoir au Yémen. Wallahi azbillah. قال وأهل السنة يحرصون ويسعون إلى التثبيت الأمن في البلاد وإلى الاستقرار والسكينة ويحذرون من كركرات الأمن. Les gens de la sunna s'efforcent de faire en sorte que la sécurité s'instaure dans les pays, ainsi que la paisibilité et la paix. ويحذرون من الفتن ويرون أن الأمن من أسباب العظيمة لانتشار الدعوة الصادقة الصافية النقية بخلاف دعوة الباطل. Donc ils mettent en garde contre tous ces troubles, toutes ces fitaines, car la sécurité est parmi les causes principales pour que la dawa se propage également et que les gens puissent vivre en paix. Que les gens puissent vivre en paix, alors que les gens du faux, eux, vous les voyez s'engouffrer dans les choses qui amènent à l'opposé de cette sécurité. وقال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر الى المدينه الا من اجل ان ينشر الدعوه وهو في امن وامان وما هاجر الصحابه رضي الله عنهم الى الحبشه الا من اجل البحث عن الامن. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a émigré, il a fait l'hijra vers la Médina en vue que sa da'wa puisse se propager alors qu'il est en sécurité. Cette da'wa ne peut se propager sinon avec la sécurité. Donc il est parti de Mecca, là où il était en danger, afin de pouvoir appeler Allah Azza wa Jal en sécurité. Et les Sahaba également qui sont partis à Al-Habasha en Éthiopie à l'époque, sont partis chercher la sécurité également, auprès de Al-Najashi qui leur a accordé cela. Naam, car une da'wa ne peut se propager comme il se doit au milieu des troubles. Wala budd an ya'rif al-muslimuna an a'zam asbab al-amn wa iqamat at-tawhid wal budd an kulli wal budd كل البعد عن الشرك بالله والمعاصي فان الله عز وجل يقول في كتابه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Il faut que les musulmans sachent également que parmi les plus grandes causes de sécurité, c'est le fait d'instaurer le tawhid et l'éloignement du shirk et des maasis, des péchés. Dans le sens où Allah dit que Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont œuvré dans le bien, qu'il instaura sur terre, comme il l'a instauré ceux d'avant eux, et qu'il accordera le pouvoir à leur religion, ce qu'il a agréé pour eux, et qu'il changera leur peur en sécurité. Et cela à condition qu'ils m'adorent et qu'ils ne m'associent rien. An-Nur, la lumière, verset 55. وقال سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون. Et ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par l'injustice, ceux-là auront la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. Al-An'am, le verset 82. Et là le zulm qui est cité dans ce verset, l'injustice, il s'agit du shirk, comme cela est expliqué dans le hadith d'Ibn Mas'ud lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam expliquer cela aux Sahaba, lorsqu'ils ont dit « Et qui donc parmi nous n'a jamais été injuste ?» Et il a dit « Ce n'est pas cela, ce n'est pas ce que vous pensez, il s'agit en fait du shirk. » Comme dans le verset où Allah, dans le sens où il dit à propos de Luqman, lorsqu'il dit à son fils « Ya bunia, la tushrik billah, inna shirk la zulmun azim. » Il a dit « Oh mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association est certes une injustice immense. » Donc le sens voulu par l'injustice ici dans le verset, c'est le shirk billah azawajal. Donc l'auteur, il dit par la suite directement « que cette sécurité est primordiale et indispensable, car celui qui fait la salat ne peut faire la salat si ce n'est dans la sécurité. Le commerçant ne peut faire son commerce si ce n'est dans la sécurité. Et que le voyageur ne peut entreprendre de voyage si ce n'est en étant en sécurité, comme le fait de faire le hajj, parmi les conditions, la possibilité de pouvoir le faire, et parmi eux, le fait d'être en sécurité. Même la hijra. La hijra, tu peux la faire si tu es en sécurité lors de ton voyage. Une sécurité, on va dire, qui est bien évidemment apparente. Maintenant, après, il y a des dangers qui peuvent apparaître à n'importe quel moment, c'est autre chose. Mais demain, par exemple, tu ne vas pas traverser tu ne vas pas te mettre en danger pour ta vie de façon flagrante pour faire la hijra, ou pour aller au mosquée faire la salat, ou pour aller faire le hajj, ou pour aller faire autre chose parmi les ibadat. D'accord ? Le seul moment où cela est inévitable, c'est lors du djihad. C'est lors du djihad. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il est venu dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, qala an Aisha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sahar falamma qadima al-Madina qala layta rajulan min ashabi salihan yahrusu li al-layla idh sami'na sawt silah fa qala man hadha qala ana Sa'd ibn Abi Waqqas jitu li ahrusak wa nama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit Aisha rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas la nuit, il veillait, car il était censé être en sécurité. Et lorsqu'il arrivait à Médina, il disait, si seulement un homme parmi mes compagnons pouvait venir mener la garde devant ma maison cette nuit. À ce moment-là, nous avons soudainement entendu le son d'armes. Et quand il a entendu ce son-là, le Nabi Sallam interrogea, qui est-ce ? Il dit, c'est moi, Sa'd ibn Abi Waqqas, je suis venu pour mener la garde. Et donc de là, le prophète Sallam s'endormit, put dormir tranquillement. À tel point qu'on entendit le souffle de son sommeil. Naam. Donc là, on voit l'importance du fait que l'homme se sente en sécurité dans sa vie afin de pouvoir trouver le repos physique et le repos du cœur également pour pouvoir par la suite entreprendre ce qui lui est obligatoire dans sa vie de tous les jours. Naam. Fabien Zalkod Naktafi, walhamdulillah rabbil alamin.